que des animaux. Sauf que nous, on sait ce qui nous attend à la fin. On sait qu'il y a un début, on sait qu'il y a une fin.